Le Comité national d'études des études du Congo démocratique a inséré le 16 courant dans leur page d'Internet un article de la vie glorieuse et heureuse des Coréennes garantie par les grands hommes coréens.